C'est un secret pour personne. Tout le monde sait que je suis marié et que j'ai 12 enfants. Mais par contre, je suis sûr que vous ignorez comment tout cela a commencé. À l'époque, j'étais donc célibataire et je me cherchais une épouse et venais de s'ouvrir sur la rue Fleury une petite agence de rencontres, une agence matrimoniale qui proposait de trouver un conjoint à la personne qui en faisait la demande par compatibilité astrologique. Ça fait que je me suis proposé, j'ai tenté ma chance, j'ai été chercher mon âme sœur. Et là, j'ai été accueilli par une ravissante dame brune. Et elle avait à ma disposition tout un cahier avec des photos de femmes, chacune classée par signe astrologique. Alors, elle a commencé par me proposer un bélier. Moi, les béliers, je lui ai dit, écoutez, je ne veux rien savoir des béliers, c'est du monde tellement impulsif. C'est des gros égos avec des grandes gueules qui commencent toujours un tas d'affaires sans jamais rien finir. Non, pas de bélier, est-ce que vous avez autre chose? On m'a dit, j'ai un beau petit taureau pour vous. Ah, je dis, surtout pas les taureaux, c'est bien trop lourd ces affaires-là, c'est bien trop terre à terre. Il n'y a pas moyen de les faire décoller du plancher des vaches. C'est matérialiste au bout, en plus qu'il n'y a aucune diplomatie, puis ils sont toujours indécis. Elle me dit, j'ai un petit gémeau. Ben écoutez, je dis, les gémeaux, là, ça c'est du monde totalement dispersé, là, dans le mental. Il n'y a aucune écoute, en plus de ça, puis c'est des voleurs d'idées. Elle me dit, un petit cancer, ça vous intéresserait-tu? Ben je dis, les cancers, c'est du monde infantile, ça. Ils sont pas capables de quitter papa et maman. Elle dit, par contre, j'ai un beau lion, un superbe lion. Je dis, oui, oui, les lions, on sait ce que c'est, ils sont dominateurs, ils écrasent tout le monde. Puis en plus de ça, ils sont vaniteux, ils se prennent pour le nombril du monde. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Une petite vierge. Je dis, tiens, une petite vierge, ça existe-tu, ça encore, les vierges? Je m'étais laissé dire que même de la laine vierge, ça n'existait plus depuis que les berger était capable de rattraper les moutons à la course. En tout cas, une vierge, non, j'en veux pas, c'est beaucoup trop critique. C'est plus sceptique même que la fosse du même nom. Rien à faire avec ce monde-là. Petite balance. Une balance, c'est du monde indécis. Et puis c'est du monde qui ont le goût du luxe. Qui sont incapables de dire non, en plus. Pas branché. Un petit scorpion? Ah ouais, scorpion. C'est carrément du monde masochiste, ça. C'est autodestructeur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Dit, j'ai bien aussi un sagittaire à vous proposer. Sagittaire, bon, ça c'est du monde instable, toujours prêt à faire leur valise. Des vrais queues de veau, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des capricornes? Ben, capricorne, c'est du monde radin, ok? C'est des solitaires. Des vieux rhumatisants, non, ça m'intéresse pas, ça non plus. Mais elle dit, on entre dans l'ère du Verseau, là, si vous voulez être d'actualité, j'ai un beau petit Verseau pour vous. Moi, je dis, Verseau, je sais, j'en ai un d'oncle, moi, qui est Verseau. Les Verseaux, là, ça, c'est tout sur tout. Tu peux rien leur apprendre. Ils ont tout vu, tout lu, tout entendu, ils savent tout. Puis en plus que ça, ce sont des personnes qui sont toujours en train de faire des projets, continuations. Ben, je dis, les poissons, ça, c'est les spécialistes des intrigues, ça. Du mystère, de la confusion, c'est du monde insaisissable. Les spécialistes de la navigation en eau trouble. Ça m'intéresse pas. Mais je dis, vous, par contre, là, vous m'intéressez beaucoup. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Elle était libre. On est sortis. 6 mois après, on était mariés. 12 ans après, on avait 12 enfants. Et dans les 12 enfants qu'on a eu, superbe, et déjà rien qu'avec ces 12 enfants-là, avec les allocations familiales qu'on a pu toucher, on s'est acheté une maison. Elle était du signe de Piastre, j'ai oublié de vous le dire. Et moi, du signe du castor. Vous savez, ces petits animaux qui bâtissent leur maison avec leur queue. Okay. Bref, on a eu 12 enfants. Un beau petit bélier, combatif, spontané. Un petit taureau, constructeur, stable, fidèle. Un petit gémeau avec la parole facile, un excellent communicateur. Un petit cancer qui fait preuve de grand dévouement pour la famille. Un petit lion, généreux, royal, avec beaucoup de panache. Une petite vierge, qui est un excellent vulgarisateur, qui a un esprit analytique. Une petite balance, très raffinée, qui a le sens de la justice. Un petit scorpion, très réaliste, régénérateur. Un petit sagittaire avec beaucoup de noblesse d'esprit. Un petit capricorne, très persévérant, qui travaille avec le temps, économe. Un petit verseau, très d'avant-garde, à l'esprit synthétique. Et un petit poisson, calme et profond. Voilà, vous connaissez toute ma famille. Alors, soyons sérieux maintenant, puisque nous sommes dans la fosse au lion, et que le lion est prêt à faire son apparition. Monsieur Bernard de Montréal. Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Vous devinez que la première question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous êtes... quel est votre signe? Mon signe? Oui. Lion. Lion ascendant? Lion. Lion ascendant lion. Un lion a deux faces. Vous savez que le lion, c'est l'emblème de la maison de France? Oui. Que c'est l'emblème du grand monarque, aussi. Que c'est l'emblème ou le symbole qui va dominer dans l'ère du Verseau, avec le symbole même du Verseau. Donc vous êtes bien né, au bon moment, sous une bonne étoile, c'est bon signe. Ça c'est l'anguille. Mais j'aimerais savoir quel... crédit vous accordez, quelle évaluation vous faites de l'astrologie, tel signe, telle caractéristique, etc. Qu'est-ce que c'est d'après vous ceci? L'astrologie? L'astrologie, c'est une science valable. L'homme est un être programmé. L'homme évolutif est un être programmé. On n'a pas conscience de la programmation de l'homme parce que on n'a pas conscience des univers parallèles. Et on n'a pas accès aux espaces-temps qui sous-tendent l'organisation psychique humaine. On n'a pas non plus conscience... aux sciences du phénomène de la pensée. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de la pensée. On la connaît comme phénomène subjectif, c'est tout. Mais on ne la connaît pas en tant que phénomène de communication universel, autant sur le plan planétaire que sur le plan cosmique. Donc, c'est difficile pour nous, les hommes, de nous imaginer que l'homme est un être programmé, que l'homme... est en fait le produit final sur le plan matériel d'un ordre psychique, cosmique, vibratoire d'information à tous les niveaux, autant sur le plan cellulaire que sur le plan mental. On n'a pas conscience non plus de l'organisation des planètes. On ne sait pas ce que représentent les planètes dans l'univers en tant que système organisé par des intelligences. Pour nous, les planètes sont simplement des globes inertes, alors que les planètes représentent, dans le fond, d'immenses atomes qui ont un taux vibratoire, un peu comme l'atome